Tu peux bien frapper, je n'ouvrirai pas. Tu peux bien sonner, je ne descendrai pas. Tu peux bien m'appeler, je ne répondrai pas. Tu peux bien crier, je n'entendrai pas. Aux abonnés absents, peu m'importe le temps, peu m'importe l'instant, peu m'importe les gens, tu comprends. Aux abonnés absents, je ne te suivrai pas. Tu peux bien danser, allez danse pour moi. Tu peux bien pleurer, ça ne me toucherait pas. Tu peux bien crever, je suis mort déjà. Aux abonnés absents, peu m'importe le temps, peu m'importe l'instant, peu m'importe les gens. Abonnés absents, aux abonnés absents, aux abonnés absents.